Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire du climat. Aujourd'hui, nous nous demandons si à la mondialisation des problèmes climatiques correspond une mondialisation de l'histoire climatique et de l'histoire environnementale. Après avoir discuté hier avec nos deux invités du rôle des historiens dans la compréhension des catastrophes climatiques comme la tempête Xynthia, pour cette discussion finale de notre semaine, nous allons ce matin recevoir deux historiens, Jean-François Mouraud et Fabien Locher. Ils nous expliqueront comment les chercheurs intéressés au climat ou à l'environnement ont vu leur thématique, qui comme nous l'expliquait lundi Emmanuel Leroy-Ladurie, n'était pas très à la mode dans les années 60, entrer dans le débat public depuis ces années 60. Quelle est la place qu'ont les historiens et l'histoire dans ces grands débats internationaux. C'est ce que nous verrons donc avec Jean-François Mouraud. Il est historien, auteur des Esclaves énergétiques, publié dans la collection, dans une collection sur l'environnement chez Champvallon. Il travaille ces temps-ci à côté de Nice dans une association d'éducation à l'environnement à Rocha. Et puis Fabien Locher est avec nous. Il est historien chargé de recherche au CNRS et il dirige le groupe en recherche environnementale de l'École des hautes études en sciences sociales, le GREN. Bonjour Jean-François Mouraud et merci à nos collègues de Nice qui vous reçoivent dans leur studio et en particulier au technicien Rémi Martinez qui est avec vous. Bonjour Jean-François Mouraud. Bonjour. Et bonjour à vous Fabien Locher. Et j'ai oublié de dire que vous étiez l'auteur, le co-auteur récent avec Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Grabert et Grégory Kennett d'une introduction à l'histoire environnementale qui va nous introduire parfaitement à la discussion d'aujourd'hui puisque ça commence sur ce thème justement, cette introduction à l'histoire environnementale dans la collection Repères la découverte, c'est-à-dire une sorte de généalogie des recherches aujourd'hui sur l'histoire de l'environnement et l'histoire environnementale et l'histoire du climat. Alors ça remonte à quand et quand est-ce qu'on commence à s'intéresser à cette histoire-là, justement ? Bonjour. Donc, oui, effectivement, avec ce livre, nous avons tenté de présenter ce qu'est l'histoire environnementale aujourd'hui, un champ en pleine expansion, et de retracer l'histoire de ce champ. Alors, l'histoire de ce champ, elle est complexe. L'histoire environnementale, c'est quelque chose qui se construit à la confluence de différents courants. Il serait ici un peu long de tous les décrire, mais ce qu'on peut dire... Ce qu'il faut retenir, on a du temps, on peut y aller. C'est que l'histoire environnementale a une origine, telle qu'elle se pratique aujourd'hui à l'échelle internationale, a une origine quand même essentiellement anglo-saxonne aujourd'hui. Mm-hmm. Elle est née, on peut dire, sur les campus américains. À la fin des années 60. À la fin des années 60, au début des années 70, dans un contexte de revendications sociales et politiques, comprenant évidemment une revendication environnementale. Il faut absolument donner tout de suite le nom, par exemple, de Rachel Carson, qui, publie en 1962 Silent Spring, qui est une sorte de premier manifeste, justement, de la question environnementale et des changements environnementaux au niveau américain et au niveau mondial, et qui, d'une certaine façon, influence cette jeune génération qui va sur les campus américains des années 70 développer cette histoire environnementale, Fabien Locher. Bien sûr, donc les années 60, la deuxième moitié surtout des années 60, les années 70, c'est vraiment le moment où explose l'environnementalisme politique aux États-Unis, avec des livres comme le livre de Silent Spring de Rachel Carson en 62, qui dénonce les effets du DDT sur la nature, cette nature qui devient silencieuse, parce que les êtres vivants sont détruits par le DDT. Et puis des livres comme le livre de Paul Ehrlich sur The Population Bomb, sur l'explosion démographique qui va dégrader l'environnement. Bref, tout un contexte qui fait que sur les campus américains, l'environnementalisme est vraiment en plein essor et une génération d'intellectuels brillants va s'emparer de cette question en histoire pour reconsidérer des grands problèmes historiographiques. Alors, premier cours d'histoire environnementale à l'Université de Californie en 1969, expliquez-vous dans cette introduction à l'histoire environnementale à la découverte. Première revue Environmental History, donc c'est 1976, et première société d'histoire environnementale, 1977, dans la foulée de cette revue, Fabien Locher. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une masse critique suffisante, c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire une revue en particulier, et une société, une masse critique suffisante de chercheurs qui puissent travailler autour de cette question environnementale. Tout à fait. Donc ça, ça marche par capillarité. On a une première génération de thésards hein, qui souvent soit se réorientent pendant leur thèse, soit juste après leur thèse. Il y a un très bon exemple, c'est Alfred Crosby, qui est un des grands noms de cette première génération de l'histoire environnementale. Il fait une thèse classique, j'allais dire, d'histoire diplomatique des relations entre États-Unis et Russie au XIXe siècle. Et après ça, parce qu'il est impliqué dans les mouvements environnementalistes, et pas seulement, d'ailleurs, ce sera un des premiers à enseigner les Black Studies dans les facultés américaines, il est aussi impliqué dans le mouvement des droits civiques. Alfred Crosby se réoriente hein, vers des questions environnementales. C'est aujourd'hui un des grands noms hein, de l'histoire environnementale. Cette première génération va essaimer, va se structurer jusqu'à vraiment dans la deuxième moitié des années 70, constituer une communauté hein, à l'échelle de l'histoire états-unienne. Alors, la particularité aussi, c'est qu'on y viendra peut-être à un moment ou un autre, eh bien, cette expansion se heurte à la période réganienne aux États-Unis et donc une sorte de rapetissage, pourrait-on dire, de ce champ historiographique américain simplement aux frontières des États-Unis. Mais vous avez cité depuis le début histoire environnementale. On est théoriquement dans une histoire du climat, dans la fabrique de l'histoire. On a déjà fait une histoire de l'environnement il y a quelques années avec vous aussi, Fabien Locher, et avec d'autres. C'est quoi la différence ? Alors, c'est une question qui peut être prise sous deux angles. Il y a une différence en termes de genèse historique de ces deux champs. C'est-à-dire l'histoire du climat a une histoire spécifique, qui s'enracine d'ailleurs assez loin dans le temps, puisque la climatologie, on peut dire historique, émerge à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, en réalité. Et à une histoire longue hein, qui... Donc ça n'est pas Emmanuel Royer-Dury qui l'invente d'une certaine façon. Il la réinvente à la fin des années, au milieu des années 60, mais ça n'est pas exactement la même chose que ce qui se passait quand même au XVIIIe siècle. En fait, c'est très précisément... Enfin, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, mon collègue Jean-Baptiste Fressoz et moi-même, à écrire une série d'articles et probablement un livre, hein, pour montrer que, en fait, la question de l'histoire du climat, c'est quelque chose qui s'enracine très loin dans le passé. Et notre thèse, en tout cas, c'est de dire que c'est dès la fin du XVIIIe siècle qu'on commence à s'intéresser à ces questions. Il y a des exemples assez frappants de ça. Les premières collectes de dates de bandes vendanges pour reconstituer le climat, c'est la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle. Dès les années 1780, on se met à faire des listes chronologiques de tempêtes, de grands hivers, pour tenter de trouver des fréquences. Une enquête en 1821 où le ministre de l'Intérieur de la Restauration demande au préfet d'interroger les vieillards sur le changement climatique. C'est dire que la climatologie historique, l'histoire du climat, c'est quelque chose qui vient très loin dans le passé. Emmanuel Leroy Ladurie, en 67, l'a bien sûr réactivé et a fait un geste théorique fondamental hein, avec son manifeste, en un certain sens, pour la climatologie historique. Mais il s'appuyait lui-même hein, sur des sources du 19e siècle. Il avait vraiment conscience hein, de s'inscrire dans une tradition qui remontait loin dans le passé. Alors ça, c'est l'histoire du climat. Et en quoi c'est différent de l'histoire de l'environnement ? Je donnerai la parole dans un instant à Jean-François Mouhot sur cette même question. C'est quoi la différence avec les deux ? Disons que l'histoire environnementale s'est développée à partir d'un certain nombre de thèmes qui étaient d'ailleurs des thèmes qui étaient discutés hein, sur ces campus américains dont je parlais tout à l'heure. La question de l'impérialisme, la question du genre. Quels sont les rapports différenciés entre hommes et femmes vis-à-vis de l'environnement ? Matrice de gauche, alors. Une matrice de contestation, de gauche universitaire américaine, ce qui est une forme de gauche d'ailleurs assez particulière aussi, vue de France. Puisqu'elle peut être libertaire, etc. Elle peut être libertaire, elle peut être malthusienne, elle peut être etc. Donc, un certain nombre de problématiques où le climat intervenait et intervient, mais pas de façon prédominante. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est vraiment à la convergence de l'histoire environnementale, issue de cette tradition états-unienne, et puis aussi d'une histoire du climat qui a une histoire propre, qui a été longtemps plus technique aussi, avec l'usage de nombres, d'indicateurs, une interaction avec les savants des sciences dites dures. Et aujourd'hui, une espèce de mix hein, qui est en train de se nouer. Alors, vous participez avec vous-même, Jean-François Mouhot, chez Champvallon, d'une collection qui a été initiée par vous-même et par Grégory Kennett, qui s'appelle « L'environnement a une histoire ». Vous pouvez rajouter quelque chose sur cette, vision chronologique, pourrait-on dire, de la différence entre histoire du climat et histoire environnementale ? Ben écoutez, je crois que Fabien Locher a bien décrit un peu la genèse des deux champs différents qui effectivement ont peut-être des origines un peu différentes mais qui se rejoignent je crois aussi dans les préoccupations contemporaines par rapport au problème du changement climatique mais aussi aux problèmes plus généraux qu'on va appeler environnemental pour faire simple au sens large. Je crois que Ce qui est intéressant dans cette genèse par rapport à l'histoire environnementale et cette genèse des deux champs un petit peu en parallèle qui se télescopent maintenant, c'est justement de voir à quel point au départ ce champ est né d'une interrogation politique, d'une préoccupation sociale pour l'environnement. Mmh. Et vous m'aviez invité il y a il y a 2 ou 3 ans, je m'en rappelle, à parler aussi sur cette antenne d'histoire environnementale. Les émissions sont d'ailleurs encore écoutables sur le site, donc vous pouvez y aller, c'était en 2011, je crois. Voilà. Et vous aviez justement la question qu'on avait débattue à cette occasion d'une autre table ronde, c'était justement de savoir si l'histoire environnementale ou l'histoire du climat, on avait plus parlé d'histoire environnementale, mais l'histoire du climat est une sous-section, si on veut dire, bien qu'elle déborde aussi l'histoire environnementale. C'était donc de savoir si l'histoire environnementale était une histoire qui était de moins en moins engagée. Mmh. Et ce qui me semble intéressant, le paradoxe, c'est qu'effectivement, on assiste à une espèce de désengagement des historiens par rapport à ces questions politiques, c'est-à-dire qu'on assiste à une tendance générale à vouloir afficher plus de neutralité politique, pas au sens de droite-gauche, mais au sens vraiment d'essayer de dépolitiser un débat et de rester le plus... Il y a une tentation, je dirais, de vouloir devenir de plus en plus scientifique par rapport à l'utilisation de l'histoire, par rapport à la façon dont on fait l'histoire, et une histoire moins engagée. Et le paradoxe qui m'interpelle, c'est que justement, dans le même temps, un peu en parallèle, dans les années 1960-1970, les scientifiques étaient presque dans la position actuelle des historiens. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient surtout pas trop se mouiller par rapport aux conséquences, entre guillemets, politiques de ce qu'ils découvraient sur le changement climatique. Ils restaient très en retrait en disant « bon, tout ça, ça reste un petit peu des hypothèses scientifiques qui ne portent pas vraiment à conséquences. » Et maintenant, on voit de plus en plus de scientifiques qui s'engagent politiquement, encore une fois, pas au sens droite-gauche, mais au sens de vouloir alerter la cité sur les problèmes majeurs qui sont engendrés par le changement climatique. Je pense par exemple à Jim Hansen aux États-Unis, qui est donc un des premiers en 1988, lors d'une audition au Sénat américain, à avoir alerté l'opinion américaine et mondiale sur les dangers du changement climatique. Mmh. Et c'est un scientifique qui, de plus en plus, monte au créneau. Il a même quitté récemment la NASA, qui était son employeur, pour avoir justement plus de liberté de parole. Et ce qui me paraît intéressant, c'est cette espèce de dissymétrie entre l'histoire qui devient de plus en plus professionnelle, de plus en plus, qui veut de plus en plus un peu se désengager du débat public, dire on est des scientifiques, quoi. Scientifiques, voilà. Et donc, on va se retirer sur notre avantin, d'une certaine façon. Exactement. Alors, évidemment, il y a des exceptions à tout ça, puisque Fabien Locher a bien parlé, par exemple, du fait que Emmanuel Leroy-Ladurie, donc, qui a été un des pionniers, vraiment, de cette histoire du climat en France, mais aussi à l'échelle internationale, avait déjà ce souci dès les années 1960, enfin en 1967, quand il publie son premier livre sur l'histoire du climat, l'histoire du climat depuis l'an 1000, qui est rapidement traduit en anglais après, il avait bien déjà ce souci de rester neutre en disant bon, je fais une histoire du climat. Bon, vous l'avez dit aussi, c'était à une époque où le changement climatique n'était pas vraiment d'actualité. Ne faisait pas vraiment la une. Voilà, ne faisait pas la une des journaux. La science climatique elle-même était un peu balbutiante, mais on sent bien que Emmanuel Leroy-Ladurie, il le dit tout à fait ouvertement maintenant. J'ai malheureusement pas eu la chance d'écouter l'émission de lundi, mais je crois que il le dit effectivement. Voilà. Maintenant, il dit oui, on peut pas douter du changement climatique. Il est moins neutre qu'il ne l'était il y a une quarantaine d'années, en tous les cas, sur ce côté-là. Fabien Locher, c'est une des particularités aussi de cette histoire du climat rejoignant l'histoire environnementale que de ne pas mobiliser les seules ressources de l'historien. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce champ-là, hier on avait l'exemple d'un médecin amateur qui avait monté un groupe de recherche avec des historiens et avec Emmanuel Garnier à La Rochelle, qui s'appelait le groupe Submersion, pour faire l'histoire justement des submersions marines dans cette région de l'ouest de la France. Il y a tout un tas de gens qui viennent sur ce terrain-là, qui sont des scientifiques de sciences dures, qui sont des militants écologistes, des militants de la société civile, qui, à leur moment perdu, s'intéressent à ces questions-là et qui, d'une certaine façon, participent d'un champ beaucoup plus vaste que le simple champ des historiens, Fabien Locher. Oui, et je crois que c'est une évolution très, très positive. Par bonheur, l'histoire n'est pas le monopole des historiens professionnels. Évidemment, on peut faire une histoire qui est, disons, profane savante, une histoire pratiquée par des profanes, mais avec des méthodes, une méthodologie qui sont tout à fait historiennes et tout à fait rigoureuses. Et c'est extrêmement positif, effectivement. La climatologie historique, parce qu'elle demande une grande masse de données, parce qu'elle demande des collectes qui peuvent être des collectes compliquées, aller chercher des séries de températures dans une archive communale. Ce que n'ont pas toujours l'occasion de faire des historiens professionnels qui doivent aller chercher, donc pas une seule série, hein, mais plusieurs dizaines, plusieurs centaines de séries. Donc là, mobiliser des gens autour d'un projet collectif de reconstitution de séries climatiques, c'est quelque chose qui ça peut être enthousiasmant même. C'est enthousiasmant, c'est ce que font les savants des sciences dures, par exemple, hein, lorsqu'ils mobilisent les observateurs en région parisienne pour observer les papillons dans leur jardin et documenter ainsi l'impact du changement climatique. Une science participative de l'histoire qui me semble vraiment très positive. Une prière pour la pluie des aborigènes de Taïwan, le groupe des Paiwan. Donc, nous aurons plusieurs prières pour la pluie pendant cette émission choisie par Anne Fleury, notre réalisatrice. Il est 9h25 sur France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, quatrième volet d'une semaine consacrée dans La Fabrique de l'Histoire à la question de l'histoire du climat. Et aujourd'hui, nous débattons du rôle des historiens au niveau international dans ce domaine de la mondialisation que nous connaissons des problèmes climatiques. Eh bien, quelle est la place des historiens dans cette question-là avec nos deux invités, Jean-François Mouhot et Fabien Locher. Jean-François Mouhot, cette question-là et cette évolution de l'histoire du climat et de l'histoire environnementale dont on parle depuis le début de cette émission, c'est aussi le travail lent et patient des chercheurs pour pouvoir, comme le dit l'ouvrage de Fabien Locher avec Frédéric Grabert, Jean-Baptiste Fressoz et Grégory Connette, pour pouvoir faire de la robustesse conceptuelle et de l'éclaircissement théorique les fondements de cette nouvelle discipline. Il faut progressivement, au fur et à mesure où on avance depuis les années 70, avoir des points d'appui sur lesquels on puisse dire, voilà, ça c'est de l'histoire environnementale, ça c'est de l'histoire du climat, et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment ça se passe justement, cette création de concepts qui avance avec la discipline elle-même? Je crois qu'il faudrait peut-être plutôt poser la question à Fabien Locher sur ces questions, puisque vous venez de citer son livre qu'il a écrit avec Grégory Kennett et d'autres. Sur la conception de l'histoire du climat elle-même, je voudrais juste dire que, on parle ici d'histoire du climat, il faudrait peut-être un petit peu définir de quoi on parle, parce qu'il y a plusieurs champs, en fait, à l'intérieur de l'histoire du climat, qui se sont constitués un petit peu de façon différente. Il y a la climatologie historique, proprement parler d'Emmanuel Leroy-Ladurie, par exemple, tel qu'il l'a conçu dans son ouvrage dont je viens de parler, mm-hmm. L'histoire du climat depuis l'an 1000, où là, il s'agit d'une constitution un peu de type scientifique, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment reconstituer le climat du passé à partir de proxys historiques, de proxys climatologiques, c'est-à-dire qu'il s'intéressait, par exemple, aux dates des vendanges, et comme on sait que les dates des vendanges sont intimement corrélées à la température qui a fait l'été qui précède, ces dates de vendange permettent de reconstituer à peu près, de façon évidemment approximative, mais qui donnent quand même des indications séries, ouais. assez fines. Voilà, des séries. On arrive à avoir une idée du temps qu'il a fait dans l'été qui précède. Mm-hmm. Donc ça, c'est la climatologie, je dirais, historique pure, qui permet de reconstituer l'évolution du climat, du temps qu'il a fait au cours de différentes années. Et si on fait, comme vous l'avez dit, des séries, on arrive à avoir des idées un petit peu de l'évolution au cours d'un siècle ou au-delà. C'est comme ça qu'il a défini le petit âge glaciaire, etc., etc., ou les réchauffements depuis le milieu du 19e siècle, justement, avec à la fois l'épaisseur des glaciers, comme il nous l'expliquait lundi, ou encore les dates de vendanges. Voilà. Alors ça, c'est ce que je l'appellerais donc la climatologie historique pure. Il y a une autre partie, si vous voulez, qui est un petit peu la continuation de cette climatologie historique pure, mais que justement Emmanuel Leroy-Ladurie en 1967 était refusé à franchir le pas, c'est d'étudier, une fois qu'on a reconstitué ces séries, on peut se poser la question, bon, maintenant c'est bien beau, mais en quoi est-ce que tout ça a eu un impact sur l'histoire humaine. Oui. Donc c'est là où, par exemple, on peut s'intéresser à la corrélation, si vous voulez, ou la cause. Alors Emmanuel Leroy-Ladurie, justement, était très très prudent sur l'utilisation du mot cause. Il préférait encore récemment le terme déclic. Il parle du déclic climatique par rapport par exemple, au déclenchement de la Révolution française. Est-ce que c'est lié ou non aux mauvaises récoltes qui étaient précédées, voilà, et qui pouvaient être éventuellement liées à l'éruption du volcan en Islande, le Laki, hein, qui en 1783 a eu une éruption. Est-ce que c'est une des causes de la dégradation du climat qui ensuite entraîne une disette qui est quand même un des facteurs, voilà, il préfère le terme trigger. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième partie, si vous voulez, deuxième pan, si vous voulez, de la climatologie historique, qui, à mon avis, malheureusement, a justement dû au frein de ce qu'on appelle en jargon historique le déterminisme. C'est-à-dire que, à partir de la fin, donc Fabien Locher l'a bien dit d'ailleurs en début de cette émission, la préoccupation pour le climat remonte à très longtemps. La préoccupation pour le climat est la façon dont le climat change, mais aussi la façon, ce qui préoccupait plus les hommes, même depuis les Grecs anciens, hein, Théophraste, Hippocrate et d'autres s'intéressaient déjà à ces changements climatiques. Ils s'intéressaient à la façon dont l'homme pouvait artificiellement modifier le climat, par exemple en coupant des arbres. Déjà, les Grecs s'étaient rendus compte que ça pouvait modifier l'hydrologie, ça pouvait même éventuellement modifier les températures. Donc, ils s'intéressaient déjà à ces questions. Donc, c'est pas, Fabien Locher l'a bien répété, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On connaît évidemment, bien sûr, en France, les théories de Montesquieu sur le climat qui dans lesquelles il disait en gros, hein, que dans les pays chauds, c'était pas étonnant, vu les conditions climatiques, c'était pas étonnant que les pays chauds, les peuples des pays chauds soient restés ce qu'on appellerait aujourd'hui sous-développés, hein, par rapport au climat vigoureux du nord de l'Europe qui dynamisait, qui rendait plus vigoureux les hommes et les rendait plus susceptibles de, toutes choses étant égales par ailleurs, de se répandre, d'aller explorer, etc. Donc, à cause de ces... Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le déterminisme climatique, qui consiste à dire que dans un endroit donné... Le climat donne des conditions sociales et politiques différentes. Ça, c'est une vieille théorie, effectivement, qu'on peut trouver aussi, d'ailleurs, chez Ibn Khaldoun, comme penseur, par exemple, au 14e siècle, 15e siècle, de la question des âges, des civilisations, du côté de l'islam, en particulier. Tout à fait. Or, justement, ce qui est intéressant, c'est que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, surtout dans la première partie du 20e siècle, on a eu un certain nombre de essentiellement des gens d'ailleurs qui venaient de la géographie historique, des gens comme Ellsworth Huntington aux États-Unis, qui faisaient dériver justement de ces climats des tas de théories qui étaient racistes au fond, qui consistaient à dire qui par exemple, Huntington avait classé les civilisations suivant leur climat, en partant du principe d'ailleurs toujours, parce que c'est une constante qu'on retrouve dans tous ces penseurs qui ont réfléchi sur le climat, en général, ils s'aperçoivent toujours que le climat dans lequel ils sont nés est le meilleur pour l'humanité. Voilà. Faut dire que la France est le plus beau pays du monde, ça on le sait depuis longtemps, par exemple. et donc, si vous voulez, donc, ces idées, en fait, donc, qui étaient au fond racistes, ont fortement discrédité à la fois donc, ces penseurs qui ont émis ces idées après la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un espèce de bilan de toutes ces idées qui ont donné naissance au nazisme, au fascisme, etc. Et la géographie dans son ensemble a été pas mal discréditée après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne fait pas plaisir à nos amis qui vont se réunir à Saint-Dié pour le festival de géographie à partir de ce soir, ce que vous êtes en train de dire. Continuez, je vous en prie, Jean-François Mouraud. Voilà, je fais juste l'histoire, je ne porte pas de jugement sur la géographie à l'heure actuelle, oui. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est donc justement de voir à quel point Emmanuel Leroy-Ladurie s'inscrit en réaction dans les années 60, et il l'a dit récemment au cours d'une interview, c'est que pour lui, il avait vraiment, on lui avait fait comprendre en tant que jeune historien dans les années 1960, que s'il donnait un poids au climat en disant que le climat avait eu un rôle dans l'histoire, sa carrière allait être sérieusement perturbée. Parce qu'on imaginait que donner un rôle au climat, c'était nier les forces sociales, les forces culturelles, les forces politiques qui étaient à l'œuvre, justement, et qui étaient normalement les moteurs de l'histoire, puisqu'on était dans une histoire qui était très marquée par le marxisme. J'imagine qu'il y avait cette dimension-là de rejet de cette question déterministe climatique à ce propos-là, en disant non, ce sont les hommes qui font l'histoire et ce n'est pas la date des vendanges et le gel qui provoque l'histoire. Exactement. Et c'est très important de resituer ça dans ce contexte pour comprendre, parce qu'on est, d'une certaine façon, on est resté dans cette méfiance très marquée pour tout ce qui est attribué un rôle au climat. Bien sûr. Et c'est encore présent d'ailleurs, hier, un des auditeurs qui écoutait la discussion que nous avions autour de la tempête Xynthia disait, mais alors ça veut dire que, puisque nos historiens qui étaient avec nous disaient, mais il y a eu déjà des tempêtes Xynthia auparavant et on a cessé de dire que c'était unique, c'était la première fois. Et l'auditeur disait, mais ça veut dire que vos historiens nient le réchauffement climatique, ce qui n'est pas du tout le cas de leurs propos, mais simplement, on pense que si on dit l'un, on ne peut pas dire l'autre à la fois. Il faut absolument choisir entre, d'un côté, un déterminisme climatologique et de l'autre côté, des actions humaines qui sont responsables, etc., etc. Alors, ce que vous dites est très important, c'est effectivement la question de la façon dont les historiens peuvent intervenir sur ces questions de climat, mérite vraiment de réflexion et qu'on s'y arrête. Parce qu'effectivement, on a une tendance à lire les livres d'histoire ou à les écrire un petit peu pour se rassurer. C'est-à-dire qu'il y a un côté rassurant à se dire le climat a toujours varié. Le climat a toujours varié. Mais il faut que les historiens qui écrivent sur ces questions de climat n'oublient pas de rappeler à leurs auditeurs, à leurs lecteurs, qu'on travaille dans un contexte médiatique qui fait que ce discours-là est utilisé par certains. Les climato-sceptiques, par exemple. Voilà, exactement. Et si vous regardez, par exemple, le livre d'Emmanuel Garnier, il est le livre qu'il a écrit... Les désordres du temps. Il est cité en exergue de plein de sites climato-sceptiques parce que, justement, il n'y a pas, peut-être, de la part d'Emmanuel Garnier, la volonté de se démarquer de prendre conscience du fait que quand on écrit sur le climat et qu'on dit que le climat a toujours varié, on risque d'être automatiquement instrumentalisé. D'accord. Mais comme il n'est pas là, il ne peut pas vous répondre. Voilà, on l'avait invité, évidemment, Emmanuel Garnier, mais il ne pouvait pas être avec nous. Fabien Locher, sur ce développement qui vient d'être fait par Jean-François Mouraud, des raisons, pourrait-on dire, de cette difficulté à se mouvoir, quand on est historien de l'environnement ou du climat, dans un contexte social et politique qui peut instrumentaliser la parole de l'historien, par exemple. Oui. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, autour de l'histoire du climat, il y a beaucoup de représentations un peu fantasmatiques. L'idée que l'histoire du climat, ou l'histoire environnementale en général d'ailleurs, va réintroduire du déterminisme absolu dans les sciences sociales, qu'on va naturaliser l'histoire par ce biais-là. Je pense que c'est quelque chose effectivement qui est profond hein, dans la psyché historienne et la psyché des sciences sociales pour des raisons assez fortes en fait. Parce que simplement l'histoire telle qu'elle est construite au XXe siècle, c'est une histoire qui a été inspirée notamment par la sociologie. Sociologie qui elle-même s'est construite en récusant hein, l'influence du climat sur les comportements sociaux. Mmh. On se rappelle que Durkheim disait, dans son livre sur le suicide, le suicide n'est pas lié, comme le disaient les criminologues italiens ou Adolf Kettler, n'est pas lié à la chaleur estivale, par exemple. C'est pas, on se suicide plus en été, non pas parce qu'il fait plus chaud, disait Durkheim, mais parce qu'en été, on a plus d'interactions sociales et que ça provoque plus d'actes de violence contre soi-même et contre les autres. Et donc, il y a cette idée qu'on a construit les sciences sociales, on a réussi à construire les sciences sociales autour de cet acte de récusation hein, du déterminisme climatique. Du naturalisme. Du naturalisme, on ne va pas revenir en arrière. Oui. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors que ce n'est pas du tout ce que l'histoire environnementale et même les historiens du climat que l'on connaît, qu'on a cité beaucoup, comme Emmanuel Garnier ou d'autres, évidemment, pensent qu'il y a du social dans cette question climatique. Il y a que du social, presque, on pourrait dire. Il y a du social et, des sciences dures. C'est une question évidemment sociale. Ce que fait l'histoire environnementale, pour moi, c'est la définition la plus simple, mais peut-être la plus directe, c'est de dire que l'histoire environnementale réintroduit dans le récit historique de nouveaux, enfin, des êtres qui étaient toujours là, mais qui n'avaient pas vraiment leur place, une place suffisante en tout cas, que sont les non-humains, les fleuves, les marées, le climat, les animaux, les insectes, les bactéries, que sais-je encore, tous ces non-humains qu'il faut maintenant véritablement faire entrer dans le champ de l'histoire, et c'est ce que propose l'histoire environnementale. Alors on écoute une deuxième prière pour la pluie. On n'est plus du côté de Taïwan, mais on est côté du Mexique, chez les Zapotèques. Un appel pour la pluie chez les Zapotèques du Mexique. Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire. Il est 9h40 sur France Culture. Et ce débat donc, que nous avons aujourd'hui porte sur l'histoire environnementale, l'histoire climatique et les relations que peuvent avoir aujourd'hui, dans un contexte de débat public très fort autour de ces questions-là, les historiens avec les acteurs de la société civile, mais aussi avec les hommes politiques. Vous participez, Jean-François Mouhot, à diverses sociétés internationales, et en particulier à ce réseau qui s'appelle le Climate History Network, qui est un réseau qui a été créé l'année dernière, d'historiens, de gens qui travaillent sur cette question de l'histoire climatique. Est-ce que vous êtes les uns ou les autres, à un moment, sollicités par des décideurs publics? Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que c'est le rôle des historiens du climat, dans un contexte de débat autour de ces questions-là, que d'être conseiller du prince, sollicité? Est-ce que justement cette relation se fait entre historien du climat ou de l'environnement et décideur public? Alors, personnellement, je n'ai malheureusement jamais été consulté par les grandes instances internationales sur ces questions. Je ne pense pas véritablement que mes collègues l'aient jamais été non plus, mais on travaille bien sûr en espérant que notre travail est utile pour informer les décideurs d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'est déjà arrivé de faire, c'est de contribuer à un site anglais qui s'appelle History and Policy, qui demande justement à des historiens de contribuer des courts textes à l'intention de décideurs politiques. Donc c'est un résumé à l'intention de décideurs politiques pour le grand public de nos travaux, qui permet justement en quelques pages, 3 ou 4 en général, avec un résumé, vous savez ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs, ouais, au début, et qui donc en théorie permet d'atteindre un public plus vaste, si ce n'est exactement des décideurs politiques, mais peut-être au moins des conseillers de ces décideurs. Et puis, alors, pour la question de savoir est-ce que c'est notre rôle, absolument, je sais que certains de mes collègues ne seront pas d'accord, mais pour moi, c'est évident que le travail de l'historien a du sens et qu'il permet justement, pas évidemment d'informer directement la politique, mais de permettre une certaine sagesse, une certaine réflexion sur toutes ces questions, la façon dont les hommes ont réagi. Qui évite peut-être la précipitation, peut-être liée par exemple au lendemain d'une catastrophe à des décisions rapidement prises parce qu'il faut répondre à une sollicitation médiatique rapide par exemple. Oui, tout à fait. Et puis, d'une certaine façon, l'histoire permet de se rappeler la façon dont les hommes ont réagi à des crises passées. Donc, permet d'un petit peu aussi de comprendre comment les sociétés réagissent face à des stress climatiques, mmh, en particulier. Donc ça, on a des choses à apprendre de ça. Plus, d'ailleurs, que de l'histoire du climat à stricto sensus, dans le sens où on sait que le climat, donc on l'a dit, a varié au cours des siècles, et c'est vrai, c'est un fait, il a varié, mais dans une fourchette qui restait très limitée au niveau de l'histoire humaine. Je ne parle, mmh, pas de l'histoire de la planète, mais je parle de l'histoire humaine. On a parlé du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est une variation d'un degré maximum, hein, entre 0,5, on ne sait pas exactement, ça dépend des régions du monde, entre 0,5 et 1 degré, par rapport au climat qu'on va dire à la fin, stabilisé vers la fin du 19e siècle, vers la fin du 18e, avant le début des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 3, 4 ou peut-être 5 ou 6 degrés de différence selon les fourchettes des climatologues pour la fin du siècle. Donc c'est vraiment un changement complètement différent de voilà, nature. Tout à fait. Et donc l'histoire ne peut pas directement informer sur la façon dont on va pouvoir gérer les problèmes qui vont être générés, qui sont mmh, en train d'être générés par le réchauffement climatique global. Par contre, on peut observer dans le passé des réactions de sociétés qui sont soumises à différents stress. C'est un petit peu ce qu'a fait John McNeill dans un article vraiment très intéressant qui s'appelle Qu'est-ce qu'on peut apprendre du passé par rapport au changement climatique, c'est en anglais. Et donc il fait ce constat. On peut pas, il n'y a pas de choses à tirer directement du passé, ouais, immédiatement utilisables. Mais par contre, sur les différents stress, on a des choses à apprendre. Un petit mot de Fabien Locher avant de vous redonner la parole. Fabien Locher. Oui, alors à propos d'être conseiller du prince, bon, moi, je ne vois pas véritablement ma fonction dans ce contexte. Pour moi, l'historien a plusieurs responsabilités sociales et politiques malgré tout. Une première responsabilité dans le champ de l'histoire environnementale, il me semble, c'est la responsabilité de déconstruire des récits qui circulent dans l'espace social et qui façonnent quand même les politiques. Mmh. C'est en sens que c'est politique. Par exemple, les grands récits d'effondrement énoncés par Jared Diamond dans un best-seller mondial qui s'appelait Collapse, effondrement, et dont les historiens se sont emparés pour les déconstruire, montrer comment en fait les récits, hein, très très influents donnés par Diamond cachaient en fait des présupposés, hein, par exemple malthusiens, des présupposés sur les solutions à apporter à la crise environnementale. Donc déconstruire un best-seller, c'est bien, mais ça n'est pas faire un best-seller soi-même avec les solutions qu'on apporte d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est difficile face à ces grosses machines de guerre que sont les grands best-sellers de ce type-là, de se positionner en tant qu'historien et de dire bah, attention, ça n'est pas exactement ce qu'on vous raconte. C'est pas exactement ce que... Non, ça, c'est la première mission, j'allais dire. Enfin, la première mission, c'est une première façon de pratiquer l'histoire ou de consacrer une partie de son temps à faire ce travail de déconstruction, qui est quand même un travail éminemment politique, parce que déconstruire les récits dominants, c'est quand même un travail éminemment politique. Et puis ensuite, c'est aussi participer, hein, à des mouvements intellectuels, politiques, sociaux. Je prends un exemple, bon, qui me tient à cœur, parce que je travaille actuellement sur cette question-là, la question des communs. La question des communs environnementaux sur lesquels je travaille aujourd'hui. Alors, il faut peut-être expliquer en deux mots. Les communs, c'est ce qui, par exemple, avant le XVIIIe siècle, sont ces lieux qui n'appartiennent à personne et qui vont progressivement être, enfin, qui appartiennent plutôt à tout le monde et qui n'appartiennent pas en privé à quelqu'un et qui vont progressivement, en particulier au cours du XIXe siècle, être progressivement privatisé, donc et donc c'est toute une réflexion qui est menée par beaucoup, dont vous, sur cette question des communs. Est-ce qu'on peut retrouver du commun dans nos sociétés contemporaines extrêmement privatisables? Donc c'est une façon d'ouvrir un nouvel horizon social et politique autour de l'idée que depuis longtemps, dans le fil de l'histoire, on a pu avoir par exemple des ressources naturelles gérées en commun et non pas gérées sous le régime de la propriété privée ni de la propriété d'État d'ailleurs, mais gérées en commun par des communautés d'usagers qui ont réussi, comme les villageois des villages de montagne suisses, à avoir des pâturages communs qu'ils ont entretenus et exploités sur 700, 800 ans de façon soutenable. C'est aussi ça, les communs. Les communs, ce sont des formes de gouvernement de l'environnement soutenable. L'historien peut être vraiment important pour catalyser ce mouvement qui, je pense, est assez crucial pour le futur, en montrant, en expliquant comment ces pratiques de gestion commun, comment ces systèmes de gouvernement commun des environnements ont été conçus, pensés, organisés. C'est aussi comme ça que, je pense, on peut renouveler l'agenda politique. Mmh. Jean-François Mouhot. Alors, moi, je voudrais juste rebondir encore pour dire que, sur la question de comment est-ce que l'histoire peut contribuer à ce débat public, puisqu'on peut reformuler ça, votre question, de cette façon, je pense que l'histoire peut aller au-delà, justement, sur la question du climat, au-delà de, justement, ce dont je parlais il y a quelques minutes, c'est-à-dire la climatologie historique, qui, éventuellement, étudie aussi l'impact sur les hommes de ce climat qui change et de ce climat d'ailleurs immuable, puisqu'on a vu que c'était aussi ça qui préoccupait beaucoup les hommes, c'est-à-dire les régimes climatologiques, c'est-à-dire les régimes climatiques qui façonnent les caractères des peuples. Mmh. Et on retrouve un certain nombre de ces peurs aussi aujourd'hui dans les questions sur le changement climatique. Mais il me semble qu'on peut justement, les historiens peuvent apporter d'autres choses à ces réflexions sur le changement climatique et en particulier tout ce qui concerne les questions d'énergie. L'histoire de l'énergie, c'est quelque chose qui, à mon avis, a été beaucoup trop négligé par les historiens au cours des siècles passés. C'est votre réflexion dans votre livre sur les esclaves énergétiques dans la collection L'environnement et l'histoire chez Champvallon, entre autres. Voilà, mais au-delà de ça, je pense à des historiens comme justement John McNeill, ou en France, des gens comme Jean-Claude Deléage, Jean-Paul Deléage, excusez-moi, ses collègues viennent de republier leur ouvrage paru en 1986, il s'appelle « Servitude de la puissance, une histoire de l'énergie ». Ces questions d'énergie qui sont évidemment l'autre pendant de la crise climatique, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a deux questions qui sont vraiment liées de façon étroite. C'est notre dépendance aux énergies fossiles, c'est notre utilisation extravagante, pour reprendre les termes de John McNeill, de l'énergie. C'est cette énergie qui a permis le développement économique, la croissance du PIB, même si évidemment c'est un indicateur qui a plein de problèmes. Mais on voit bien qu'il y a une croissance énorme des activités humaines, si on veut résumer de façon un peu simple. Il y a une croissance de la population énorme. Et tout ça est intimement lié, comme l'a bien montré John McNeill, à la croissance de l'utilisation de l'énergie. Et cette énergie est restée un petit peu le grand absent du débat historiographique en France. Jean-Paul Deléage l'explique bien dans son ouvrage « Une histoire d'énergie ». Il dit on s'est contenté d'évaluer le rôle économique de l'énergie dans l'économie et de se dire finalement, c'est le charbon. Mmh. Par exemple, c'est au 19e siècle en France, ça représente 3-4% de l'économie. Je dis un chiffre, évidemment, qui n'est pas le bon, mais pour donner un ordre de grandeur. Et il dit, mais on oublie que ce charbon permettait à un train de marchandises de relier Paris à Lille en 4 heures, alors qu'avant, il fallait 2 jours à une diligence avec mobilisant X nombre de personnes pour faire rouler cette diligence, des chevaux, des relais, etc. Et en fait, on ne peut pas du tout réduire le poids de de l'énergie au nombre, au poids économique. Et toute cette question de l'énergie est un point aveugle, à mon avis, de l'historiographie en France. Et je renvoie, par exemple, à des ouvrages de non-historiens, paradoxalement, mais comme Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean, qui ont publié des ouvrages sur ces questions, qui, moi, d'ailleurs, ont été au départ un petit peu... qui ont rejoint mes réflexions sur aussi la façon dont les générations futures vont pouvoir juger la façon dont on vit actuellement. Cette question du jugement moral en histoire qui est quelque chose qui me passionne, quand on a tendance, quand on est devant des étudiants, à avoir une réaction assez courante qui est les étudiants nous disent les étudiants de première année, on va dire, parce qu'après, on espère qu'ils ont évolué dans leur réflexion. Ça veut dire, mais les gens, ils étaient bêtes ou ils étaient complètement... c'était des barbares de vivre de la façon dont ils vivaient. Quand on pense, par exemple, justement aux propriétaires d'esclaves des siècles passés, on se dit, mais ces gens-là vivaient et de façon... Et vous posez la même question, j'imagine, pour aujourd'hui, que diraient les étudiants de 2070 ou de 2100 de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je voulais redonner la parole à Fabien Locher, Jean-François Mou. Sur cette question, on est parti tout à l'heure dans notre discussion des divisions, pourrait-on dire, ou du moins des écoles historiques nationales. Vous disiez une école américaine, une école française, des gens qui n'avaient pas les mêmes approches au tout départ de ces questions climatiques et environnementales. Et vous nous disiez que c'est en train de se fusionner, de se rapprocher progressivement, Fabien Locher. Est-ce que justement on arrive aujourd'hui, alors que la mondialisation climatique est une véritable question politique, à faire que les historiens qui travaillent sur le climat en particulier aient les mêmes approches à quelque chose près, et les mêmes points de discussion, les mêmes façons d'aborder la question ou pas ? Alors, on est là au cœur d'un sujet qui est à la fois politique, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et un problème intellectuel, la question de la globalisation dans le lien avec les recherches en histoire environnementale. C'est très intéressant de voir que dans la trajectoire... On peut dire que c'est presque le sujet parfait pour l'histoire mondiale ou l'histoire globale d'aujourd'hui. Bien sûr, l'histoire globale aujourd'hui alimente complètement l'histoire environnementale. Il y a d'ailleurs un genre qu'on appelle l'histoire environnementale globale, et la première génération d'historiens de l'environnement dont je parlais tout à l'heure, comme Crosby, ont été parmi les pionniers de l'histoire globale. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire globale, c'est pas seulement une façon de faire l'histoire du monde depuis Paris ou depuis Washington, c'est aussi un moment où commence à participer, depuis quelques décennies maintenant, des historiens indiens, brésiliens, peut-être chinois demain, et japonais et africains. Et donc, déjà, il y aura la grande conférence internationale des historiens du monde qui se tient tous les 4 ans en Chine l'année prochaine. Je pense qu'on va avoir émergé des préoccupations et des questions très différentes de ce qu'on aborde ici, nous, en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Ça, c'est tout à fait fondamental pour un certain nombre de raisons, parce que ces historiens-là portent des histoires nationales ou régionales ou continentales tout à fait particulières, avec des problématiques particulières. Quelque chose qui a été fondamental et très très important pour l'histoire environnementale, c'est par exemple dans les années 80, le fait que les historiens indiens d'une école historiographique qu'on appelle les subaltern studies, s'intéressant aux subalternes, à ceux qui n'avaient jamais parole au chapitre, les paysans, les veuves indiennes, ont commencé à dire, non, l'histoire environnementale que vous faites aux États-Unis, elle est complètement absurde parce qu'elle est fondée sur l'idée d'une nature sauvage, celle que vous préservez dans vos parcs naturels. La nature indienne, ce n'est pas une nature sauvage qu'on peut voir comme un extérieur à la société humaine. Ce sont des forêts qu'on exploite ensemble, quand on est villageois, par exemple. Et il y avait une raison fondamentale à cela, c'est que précisément le colonisateur anglais avait argué du fait que la nature était sauvage pour la confisquer aux communautés indiennes. Et donc, c'était une préoccupation intellectuelle et politique. Et ce geste des historiens indiens, notamment d'un historien qui s'appelle Ramachandra Guha, a été très, très importante pour l'histoire environnementale, pour déconstruire un peu ses présupposés. Et maintenant, justement, alors ça, c'était dans les années 80. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est, justement, de ces bases sur lesquelles on peut discuter entre historiens de l'environnement de façon à peu près égale, pourrait-on dire, sur l'ensemble du monde, Fabien Locher ? Ce qui me semble très intéressant, c'est que maintenant, dans l'histoire environnementale, on a une pluralité de visions de la nature. On n'est plus accroché à une seule vision de la nature qui serait une vision américaine, mais en France, c'est particulièrement intéressant pour ça, parce qu'on a l'influence américaine, parce qu'on importe l'historiographie américaine. Mmh. On a une historiographie française, d'origine, faite par des chercheurs français, comme l'éco-histoire, dès les années 70, Robert avec Delors. Corinne Beck, Robert Delors. Et puis aussi, on a des influences très intéressantes venues, par exemple, d'Italie, avec une toute autre tradition historiographique, beaucoup plus attentive à la question du droit, par exemple, avec un intérêt tout à fait particulier pour les communs, qui sont des formes de gouvernement qui sont très très vivaces en Italie encore aujourd'hui. Et donc, une espèce de convergence, un bouillonnement, et c'est ce qui fait que l'histoire environnementale est si riche. Un dernier petit mot, parce qu'on arrive malheureusement au terme de notre discussion, Jean-François Mouhot, sur ça, sur cette convergence dans la variété, parce que ça n'est pas un programme commun unique qui est en train de s'établir des historiens du monde entier, mais au contraire, une capacité de bouillonnement et de discussion. Alors justement, je voudrais relever un paradoxe qui est que justement ce bouillonnement, cette mondialisation de l'histoire du climat qui est bien par exemple dont un bon exemple est le livre de Geoffrey Parker Global Crisis qui vient de paraître donc qui parle un petit peu de la crise climatique à l'échelle mondiale au XVIIe siècle, qui a été rendu possible par la mise en ligne de plein d'archives du monde entier qu'il a pu dépouiller grâce à des assistants de recherche, etc. Un travail énorme qui n'aurait pas pu être fait même il y a 10 ans. Voilà. Et le paradoxe, c'est que justement, cette mondialisation de l'échange des informations, c'est aussi rendu possible par l'énorme consommation d'énergie qu'on fait pour aller à des conférences dans le monde entier, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans. Et par l'Internet qui consomme une énergie absolument incroyable en raison des serveurs en particulier. Voilà, et l'autre paradoxe, c'est que justement, le phénomène même du changement climatique, comme le dit bien par exemple Spencer Ware dans son livre The Discovery of Global Warming, a été rendu possible par l'utilisation massive d'énergie fossile par les États-Unis dans un contexte de guerre froide où on faisait des recherches énormes sur l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on a découvert le changement climatique. Donc il y a une espèce de paradoxe intéressant à creuser pour une autre émission. Merci beaucoup, Jean-François Mouhot. Je rappelle que vous êtes auteur des Esclaves énergétiques, réflexions sur le changement climatique dans la collection. Donc il faut conseiller l'environnement à une histoire chez Champvallon. Je rappelle, Fabien Locher, que vous venez de publier avec Grégory Connette, Jean-Baptiste Fressoz et Frédéric Grabert dans la collection Repères à la découverte, une introduction à l'histoire environnementale qui est très utile pour comprendre tout ce dont on vient de discuter. Et puis le prochain congrès bisannuel de la Société européenne d'histoire environnementale se tiendra en France l'année prochaine. Ça sera à l'Université de Versailles, 150 ans en Yvelines. On le suivra bien évidemment, c'est en 2015. Et on termine pour une prière pour la pluie, un dodoc, un chant pour la pluie de Macédoine. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Pierrick Monsigny était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission et écouter également les émissions que nous avions consacrées en 2011 à cette histoire de l'environnement, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Laissez vos commentaires sur ce site, mais également dans le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en nous suivant sur le réseau Twitter. Demain, nous sommes au Panthéon, comme beaucoup d'émissions de France Culture et comme les matins de France Culture. Demain, nous tenterons avec des historiennes et un historien de définir ce qu'est peut-être le panthéonisé idéal des années à venir.